me sens comme une bamba triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte sans tact. Je me sens comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers et en plus qu'a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens pas définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute ton hydrofilement. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un publiciste grand jardin qui se dit plutôt mourir que plutôt niquer. Je me sens je suis cool et j'ai les moules ainsi que les boules. Maman, je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. It feels definitely comme une bamba triste. It feels auquel on vient de rapporter une guitare parce qu'elle sonne pas comme celle de Van Halen.